Chris pat avec moi. Comment m'paye? Les épreuves menacent moi. Avec amour, y entouré moi. Maintenant qu'aime yon bel chant pour lui. Jéricho, Jésus t'a rencontré, il y a un diable. Il viral désolé, tous les yeux de femme, l'étamant des charités. Jésus t'a dit, où est allé? Ça, Jésus t'a dit, Jésus t'a dit, où est allé? Saliwe. Jésus t'a dit où est allé. Ça, Jésus t'a dit. Yeah. Jésus t'a dit où est allé. Et puis même le saliwe. Si je dis à vivant. C'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, nos païens. Si je t'y aime vivant, c'est grâce à vous, sans vous, Seigneur, nos païens. Adoration, ma Noah llegó a